Cousins et cousines, par Francis Marion Crawford. Chapitre 1er. Par une soirée de la fin d'avril, Sir Hugh Cram était assis près de la fenêtre ouverte de son cabinet. Il souriait, et justement alors un nuage d'un jaune blafard obscurcit le soleil déjà bas. Le jour clair de l'été s'assombrit comme s'il était soudain empoisonné et souillé par d'impures vapeurs. Le visage de Sir Hugh Cram semblait fait de parchemin appliqué très exactement sur un masque de bois, dans lequel s'enfonçaient presque invisibles deux yeux qui regardaient de l'intérieur à travers des crevasses, sous les paupières obliques. Des yeux jaunes, vivants, aigus, continuellement aux aguets comme deux crapauds dans leur trou. La vieille mère MacDonald disait autrefois que, quand Sir Hugh souriait, il voyait les visages de deux femmes en enfer. Deux femmes mortes qu'il avait trompées. La mère MacDonald avait près de 100 ans. Mais lorsque le jour changea, une petite lueur jaune étincela dans chaque œil et le sourire s'élargit en tirant les lèvres pâles sur les dents ternies avec une expression de profonde et intime satisfaction mêlée à la haine et au mépris les plus inexorables pour la poupée humaine. L'horrible maladie dont il mourait lui avait attaqué le cerveau. Son fils se tenait près de lui, grand, pâle, délicat. Il ressemblait à un ange d'un tableau des primitifs, et bien qu'il eût une profonde affliction dans ses yeux violets, quand il regardait son père, il sentait l'ombre de ce sourire maladif se glisser aussitôt sur ses propres lèvres, les entr'ouvrir et les tirer malgré lui. C'était comme un mauvais rêve, car plus il essayait de ne pas sourire, plus le tic nerveux s'accentuait. Auprès de lui, il y avait une jeune fille qui lui ressemblait singulièrement dans sa beauté angélique et pâle. Elle avait les mêmes cheveux vaporeux et dorés, les mêmes yeux violets tristes, le même visage d'une blancheur transparente. Elle s'appelait Evelyn Warburton. Elle se tenait debout, une main appuyée sur le bras du jeune homme. Et pendant que, malgré elle, elle regardait dans les yeux de son oncle, elle sentait que le sourire de mort voltigeait aussi sur ses lèvres d'ange, les tirant étroitement sur ses petites dents, tandis que deux larmes brillantes descendaient sur ses joues jusqu'à sa bouche, et ce sourire ressemblait à l'ombre de la mort et au sceau de la damnation sur sa jeune et candide figure. « Évidemment, » dit Sir Hugh, très lentement, et regardant toujours les arbres dehors, « si vous êtes décidé à vous marier, je ne peux m'y opposer. Et je ne pense pas que vous attachiez la moindre importance à mon consentement. « Père !» s'écria Gabriel d'un ton de reproche affectueux et respectueux. « Non, je ne me fais pas d'illusions, » continua le vieillard en souriant horriblement. « Vous marierez quand je serai mort, bien qu'il y ait une très bonne raison pour que vous n'en fassiez rien. Pour que vous n'en fassiez rien, » répéta-t-il avec énergie. Et il tourna lentement ses yeux de crapaud sur les deux amoureux. « Quelle raison ?» demanda Evelyne effrayée. « Peu importe la raison, ma chère, vous vous marierez tout comme si elle n'existait pas. » Il eut une longue pause. « Deux de partie, » dit-il à voix basse et rauque. « Deux de plus, et cela fera quatre, tous ensemble, pour toujours et à jamais, brûlant, brûlant, brûlant en grand feu. » À ces derniers mots, sa tête retomba lentement en arrière et la petite lueur des yeux disparut sous les paupières gonflées. Puis, le nuage lugubre s'éloigna du soleil couchant, de sorte que la terre devint verte et la lumière pure. Sir Hugh s'était endormi, comme il le faisait souvent dans sa dernière maladie, même tout en parlant. Gabriel Cram emmena Evelyn hors du cabinet, et ils passèrent dans le vestibule sombre en fermant doucement la porte derrière eux. Ils respirèrent alors comme s'ils venaient d'échapper à quelque danger. Ils se prirent les mains, puis leurs yeux, si singulièrement semblables, s'unirent en un long regard, dans lequel l'amour et une entente parfaite étaient voilés par la terreur secrète d'une menace inconnue. Leur visage reflétait une crainte mutuelle. « C'est son secret, » dit enfin Evelyn. « Il ne nous dira jamais ce que c'est. »« S'il l'emporte dans la tombe, » répondit Gabriel, « qu'il retombe sur sa tête. »« Sur sa tête, » répéta l'écho du vestibule sombre. C'était un étrange écho, et beaucoup s'en effrayaient, car c'était un écho d'une intelligence infernale. Il ne répétait pas tout, et ne renvoyait qu'une phrase par-ci par-là. Souvent, il était muet. La mère MacDonald disait que le grand vestibule ne répéterait jamais une prière quand un Ocrane devait mourir, même qu'il relirait des malédictions au centuple. « Sur sa tête, » répéta l'écho très doucement, Evelyne tressaillit et regarda autour d'elle. « Ce n'est que l'écho, » dit Gabriel en l'entraînant. Ils sortirent à la dernière lueur de l'après-midi et s'assirent sur un banc de pierre derrière la chapelle, bâtie à l'extrémité de l'aile orientale du château. Pas un souffle n'agitait les ramures, et ils n'entendaient autour d'eux aucun bruit. Seulement, au loin dans le parc, un oiseau sifflait le prélude de l'hymne du soir sur un ton aigu. « Que c'est donc solitaire ici ?» dit Evelyne, en serrant nerveusement la main de Gabriel et parlant comme si elle craignait de troubler le silence. « S'il faisait nuit, j'aurais peur. De quoi ? De moi ?» Le regard triste de Gabriel se tourna vers elle. « Oh non ! Comment aurais-je peur de vous ?»« Mais des vieux ocrames. On dit qu'ils sont là, sous nos pieds, dans le caveau, en dehors de la chapelle, tous enveloppés dans leur suaire, sans cercueil, comme on avait l'habitude de les enterrer. Comme ils le sont toujours, comme on enterrera mon père et moi. On dit qu'aucun ocrame ne veut être couché dans un cercueil. Mais cela ne peut pas être vrai. Ce sont des contes bleus, des histoires de revenants. » Evelyne se rapprocha de son compagnon, lui serrant plus étroitement la main. Le soleil commençait à baisser. « Bien entendu. Cependant, l'histoire du vieux Sir Vernon, qui fut décapité pour trahison sous Jacques II, est, dit-on, authentique. La famille rapporta son corps de l'échafaud dans un cercueil de fer fermé avec de lourdes barres et le déposa dans le caveau du Nord. Mais toujours, ensuite, quand on ouvrit le caveau pour enterrer un autre membre de la famille, on trouva le cercueil tout grand ouvert et le corps debout contre le mur, la tête roulée dans un coin et souriant. « Comme sourit l'oncle Hugh ?» dit Evelyne en frissonnant. « Oui, je le crois, » répondit Gabriel d'un air pensif. « Évidemment, je ne l'ai jamais vu et le caveau n'a pas été ouvert depuis 30 ans. Aucun des nôtres n'est mort depuis. Et si l'oncle Hugh meurt, verrez-vous ?» Evelyne s'arrêta et son beau et fin visage était tout pâle. « Oui, je le verrai déposé là aussi, avec son secret, quel qu'il soit. » Gabriel soupira et serra la petite main de la jeune fille. « Je n'aime pas y penser, » dit-elle d'un ton indécis. « Oh, Gabriel, quel peut être ce secret ? Il a dit que nous ferions mieux de ne pas nous marier. Non pas qu'il nous le défendait, mais il l'a dit singulièrement et il souriait. Brrr. » Les petites dents blanches d'Evelyne claquaient de frayeur, et elle regardait par-dessus son épaule tout en se serrant contre Gabriel. « Et je ne sais comment je l'ai senti sous mon propre visage. Moi aussi, » répondit Gabriel, d'une voix basse et nerveuse. « La mère MacDonald ?» Il s'arrêta brusquement. « Quoi ? Qu'a-t-elle dit ?»« Oh, rien, elle m'a dit des choses. Elle vous effraierait, chère petite. Venez, il commence à faire frais. » Il se leva, mais Evelyne tenait sa main dans les deux siennes, toujours assise, et levait les yeux vers lui. « Mais nous nous marierons tout de même, Gabriel. Dites que nous nous marierons. »« Certainement, ma chérie, certainement. Mais tant que mon père est si malade, c'est impossible. » « Oh, Gabriel, mon cher Gabriel, je voudrais que nous fussions déjà mariés, » s'écria Evelyne, prise d'une angoisse subite. « Je sens que quelque chose empêchera notre union et que nous serons séparés. Rien ne le pourra jamais. Rien ? Rien d'humain, » dit Gabriel au crâne, en même temps qu'elle l'attirait à elle. Et leurs visages, qui se ressemblaient si étrangement, se rencontrèrent et se touchèrent. Et Gabriel sentit que le baiser qu'il prenait avait une surprenante saveur de mal, tandis que sur les lèvres d'Evelyne, ce fut comme un souffle frais de crainte douce et mortelle. Ni l'un ni l'autre ne comprit, car ils étaient innocents et jeunes. Cependant, elle l'attirait vers elle par son geste le plus léger, comme une sensitive tressaille et agite ses feuilles minces, s'incline et s'approche doucement de ce qu'elle désire. Et lui se laissait attirer volontiers, comme il le fait quand même, son geste eût été mortel et empoisonné. Car Evelyne aimait étrangement ce souffle de frayeur à demi voluptueux, et Gabriel désirait passionnément la chose mauvaise et sans nom qui se cachait derrière ses lèvres virginales. « C'est comme si nous nous aimions dans un rêve étrange, » dit-elle. « J'ai peur du réveil, » répondit-il. « Nous ne nous réveillerons pas, mon bien-aimé. Quand le rêve finira, ce sera la mort si douce que nous ne la sentirons pas. Mais jusque-là, » elle s'arrêta, et ses yeux cherchèrent ceux du jeune homme. Puis leurs visages se rapprochèrent lentement. C'était comme s'il y avait des pensées dans leurs lèvres rouges qui prévoyaient et savaient à l'avance le profond baiser de l'un et de l'autre. « Jusque-là, rêvons, » dit-elle encore et très bas, et sa bouche tout près de celle de Gabriel. « Jusque-là, rêvons alors, » répondit-il en un souffle.